Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'impôt, ses vertus et ses travers, les origines à nos jours. L'impôt souffle le chaud et le froid. Le meilleur et le pire. On l'évite, on l'exploite, on le vante, on le maudit. Et on a beau faire, on finit par le payer, sous une forme ou une autre. Qu'on le vante ou qu'on le maudisse, on finit toujours par le payer, nous dit l'animateur Pierre Villon, en nous parlant de l'impôt à son émission « Histoire naturelle de la cupidité » diffusée en 1990. L'impôt existe, pour ainsi dire, depuis toujours. Et si les motifs pour lesquels on le perçoit ont évolué et se sont multipliés, une chose n'a pas changé. Depuis toujours, l'impôt est d'abord et avant tout au service du pouvoir politique. Ils m'ont pris mon chandail, mes souliers et mon chapeau. Ils m'ont pris ma chemise, mes cravates et mon manteau. Bref, tout mon attirail qui me gardait bien au chaud. C'est avec le sourire qu'ils nous prennent les impôts. Ils ont pris son bétail. L'impôt, moi j'ai 4 enfants, puis je trouve que ne sont pas juste pantoute pour l'impôt. Pour une personne qui travaille, sont pas juste pantoute. Est-ce que vous trouvez que c'est juste, vous, l'impôt? Évidemment. C'est juste. Vous ne payez pas trop d'impôts. On ne paye pas encore assez. J'étais un travailleur, mon pote. J'arrive à peu près... On arrive à 60 ans, hein? Aujourd'hui, avec la pension. Et donc, il faut que quelqu'un la paye, ça. Moi, je veux l'avoir, la pension. Donc, il faut quelqu'un qui la paye. Est-ce qu'on peut facilement frauder le fisc? Bien durement. C'est bien dur à fourrer. Vous avez déjà essayé? Oui. Une fois, puis ça va marcher. J'ai essayé de mettre ma belle-mère sur mes charges, puis ça n'a pas marché pendant deux. Quelques commentaires qui font sourire, il faut bien le dire, recueillis pour l'émission Partage du jour. On est en 1965 à propos de l'impôt. Vous l'avez entendu, l'impôt que certains considèrent insuffisant, l'impôt que d'autres cherchent à éviter à tout prix. Un bien vaste sujet que celui de l'impôt. Et pour nous en faire la petite histoire, l'économiste Yannick Marcille. Yannick, ça commence quand l'impôt? Ben, en fait, ça remonte à la nuit des temps ou presque. À peu près toutes les sociétés politiquement organisées ont levé des taxes ou des impôts d'une manière ou de l'autre. On verra que c'est très varié, bien évidemment, comme moyen d'atteindre cet enrichissement politique, en quelque sorte. Mais dès l'Égypte ancienne, on a des droits de douane qui sont imposés, des taxes sur certains produits qui seront éventuellement stratégiques. On le voit encore aujourd'hui. Ouais. Donc, ça remonte vraiment à peu près toutes les sociétés, encore une fois, politiquement organisées. Il y a quelques sociétés qui ont été étudiées par les anthropologues qui n'ont pas d'organisation hiérarchique, qui ne lèvent pas d'impôts et de taxes. Mais c'est l'exception dans l'histoire. Et c'est presque ça. On remonte très loin, là. On est quoi? Dans la préhistoire ou à peu près? Ou presque, c'est ça. La zone non imposable, elle remonte très, très loin. Voilà, l'impôt exactement. L'impôt apparaît très vite. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais pourquoi? Pourquoi l'impôt? À quoi sert l'impôt? Il sert à plein de choses, mais aux origines, à quoi sert cet impôt? En fait, l'histoire de l'impôt est une histoire éminemment politique. Hein? Et elle est très, très liée, ou presque tout le temps liée, aux guerres, aux conflits, ou à tout le moins à la préservation, de manière plus large, du pouvoir politique. Donc, l'impôt est au départ, ou les taxes, je les utilise comme synonyme pour l'instant, l'impôt et les taxes sont utilisés pour enrichir le souverain, le chef d'État, donc le corps politique, d'abord pour le nourrir, tout simplement, n'est-ce pas, pour lui permettre parfois de vivre dans le faste, mais également pour défendre son territoire, bien sûr, pour le pouvoir lever des armées pour pouvoir combattre l'ennemi, qui est souvent aussi un ennemi commercial. Voilà, parce qu'il y a les guerres traditionnelles, les guerres militaires, mais les guerres commerciales tôt dans l'histoire, donc on va prélever des impôts pour financer ces guerres commerciales, en fait, plutôt pour faire obstacle. C'est du protectionnisme, dont on parle. Exactement. Donc, toutes les mesures de douane et la taxe sur certains produits, donc importés, et aussi celle de l'histoire des relations commerciales, parfois conflictuelles. Donc, on protège notre propre marché, mais aussi on profite de l'importation de produits dont on a absolument besoin, ou en tout le moins qui sont très demandés sur notre territoire pour s'enrichir au passage, s'enrichir à la frontière. On peut penser aux épices, par exemple, qui étaient importées d'Asie, notamment vers l'Europe, qu'on taxait parfois de façon très salée, pour faire un mauvais jumeau. Et mon petit doigt me dit que dans certains cas, ces guerres commerciales vont probablement conduire à des guerres traditionnelles. Tout à fait. En fait, c'est un peu le paradoxe de l'histoire du commerce international. Les penseurs libéraux au 18e siècle, Montesquieu le premier, croyaient que le commerce entre nations favorisait la paix. C'est ce qu'il appelait le doux commerce. Or, l'histoire a montré que très souvent, au contraire, des conflits commerciaux dégénéraient en conflits politiques importants ou à tout le moins les alimentaient. Il y a évidemment cette idée très bête, mais qui apparaît aussi très vite, au-delà des guerres, de tout simplement utiliser l'impôt et les taxes pour augmenter le revenu de l'État, du souverain. Absolument. Et évidemment, le souverain, oui, désire augmenter la taille de son territoire, doit faire la guerre, mais veut tout simplement s'enrichir. La distinction entre le public et le privé n'existe pas sous un régime comme le féodalisme ou la monarchie absolue. Donc, ce qui appartient à l'État appartient au roi ou au monarque ou à la noblesse. Donc, on lèvera des taxes parfois très importantes, des impôts sur le patrimoine notamment, qui ne serviront qu'à enrichir la noblesse ou le monarque et à lui permettre de faire des fêtes, de construire de beaux châteaux, de payer des artistes, etc., ouais, pour réaliser des œuvres d'art. Il y a la taxe sur les produits, puis ça, c'est une recette qui va marcher jusqu'à nos jours parce qu'elle est très payante pour l'État ou pour le souverain. La taxe qui cible certains produits, des produits essentiels, des produits indispensables. Aujourd'hui, on pourrait penser au pétrole, par exemple. Absolument. Mais ça commence bien avant, là. Tout à fait. Une de ces taxes les plus connues, c'est la taxe sur le sel en Europe. Du 13e siècle jusqu'à la Révolution française, ou à peu près, c'est une des sources de revenus les plus importantes de l'État français. Pourquoi le sel? Aujourd'hui, ça peut nous paraître un peu étrange que le sel soit à ce point important, mais il faut se rappeler qu'avant le 19e siècle, c'est le principal agent de conservation des aliments. Mm-hmm. Donc, c'est un bien ultra essentiel. Les économistes appellent ce genre de biens-là des biens qui ont une demande inélastique, c'est-à-dire peu importe leur prix ou presque, on va de toute façon en acheter. Alors aujourd'hui, ce principe-là, donc de taxer des biens essentiels qui sont desquels on ne peut pas se priver, demeure. Vous avez parlé de l'essence, ouais, mais c'est vrai aussi de d'autres formes de demandes dites inélastiques. On peut penser, par exemple, aux cigarettes. Mm-hmm. C'est les taxes qu'on appelle un peu communément les taxes sur le péché. Donc, on va taxer des biens qui sont demandés de toute façon par les consommateurs. Et ça paye énormément, ces taxes-là. La gabelle, je reviens là-dessus, mais la gabelle sur la selle, d'abord, elle va durer très, très longtemps. À un moment donné, ça va être le tiers du revenu de l'État. Tout à fait. Une seule taxe. Une seule taxe sur un seul produit sera le tiers du revenu de l'État français. Donc, une taxe qui a existé pendant plusieurs siècles, plus de 500 ans, et qui était, au-delà même de la taxe sur le sel, c'était également un monopole d'État. Donc, c'était l'État qui avait le monopole de la production et de la vente de sel. Et même dans certaines régions françaises, qu'on appelait des pays de grande gabelle, les sujets du roi, donc la population, étaient obligés d'acheter une quantité minimale de sel à chaque année. Donc, c'était vraiment un impôt pur et simple sur un produit essentiel. Ça s'appelle le beurre, l'argent du beurre, puis on va s'arrêter là. les guerres, on l'a évoqué, mais les guerres militaires comme telles, évidemment, ça va être un éternel motif de taxation. Tout à fait. En fait, dans tout l'ancien régime français ou européen, sous le féodalisme et la monarchie absolue, l'impôt est souvent, à part des cas régulier comme la gabelle dont on vient de parler, l'impôt sera souvent temporaire. Il sera ponctuel, merci. Il sera levé à des fins d'une guerre bien précise. Donc, on s'en va en guerre, on lève un impôt ou une taxe et la légitimité perçue par la population de cet impôt et de cette taxe-là va en fonction de la capacité du souverain de gagner la guerre. Oui. Donc, si la population sent qu'on s'en va dans une guerre qu'on va perdre, l'impôt sera beaucoup moins bien perçu en quelque sorte. Mais c'est sûr qu'il y a une légitimité en principe. Si la guerre est légitime, si on peut gagner cette guerre, c'est très, très fort comme argument politique pour vendre, entre guillemets, cet impôt. On écoute justement là-dessus un extrait du journaliste Louis Francoeur. On est en 1941, donc en pleine Deuxième Guerre mondiale. Vous allez voir, c'est très, très intéressant. Il nous parle de ce que ça coûte, cette guerre-là, aux Canadiens, mais aussi, justement, de ce devoir de contribuer à l'effort de guerre. La répercussion de la guerre se résume, pour nous, en un seul mot, payer. Regardons les Anglais, qui non seulement paient plus de taxes que nous, mais qui voient leur magnifique pays mis en ruine par le barbare. Et sans aller plus loin, constatons que les Américains, nos voisins, qui ne sont pas en guerre, ont et auront proportionnellement autant de charges financières à subir que nous-mêmes, plus peut-être. Le devoir en soi est rarement chose agréable. Il est beaucoup plus facile, quand on n'est pas trop fier, de s'y dérober que de s'y soumettre. La lâcheté, quelle que soit la forme qu'elle prenne, n'exige jamais d'autre sacrifice que celui de l'honneur ou de la conscience. Et c'est probablement pour cela que c'est l'attitude la plus universellement méprisée, même et surtout quand elle se camoufle de grandiloquence et faux prétextes. Ça peut faire sourire cet extrait avec le recul, Yannick Marcil, mais il y a quelque chose de qui revient constamment dans l'histoire, là. Au-delà du ton qu'on entend qui peut faire sourire avec nos oreilles d'aujourd'hui, cet argumentaire, l'effort de guerre qui va passer, donc on l'a évoqué, mais qui va passer par l'impôt souvent dans l'histoire. Ah, c'est presque intimement lié à toutes les guerres, en fait, cette nécessité, bien évidemment, l'expression le dit, hein, l'argent c'est le nerf de la guerre. Ouais. Cette nécessité de financer l'effort de guerre. Bon, va de pair avec la levée, bien sûr, de revenus dans la population. Donc, ça sera toujours intimement lié et on fera toujours aussi appel à ce sens du devoir, comme on vient de l'entendre, et même au-delà de la guerre. C'est-à-dire que même aujourd'hui, alors qu'on n'est pas en guerre, mais enfin, pas comme à l'époque, nous avons souvent ce discours politique d'appel au devoir citoyen. Mm-hmm. À gauche comme à droite, d'ailleurs. Hein, c'est un devoir de faire sa juste part, on a entendu ça assez souvent, de contribuer donc à l'effort collectif pour recevoir en échange, bien sûr, des services et non pas de là pour aller en guerre. L'extrait qu'on entendait date de 1941. On est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Au Canada, en fait, il y aura un impact très direct dans la Première Guerre en 1917. C'est là qu'on va inventer cet impôt sur le revenu des particuliers, qu'on va créer une taxe à la consommation, une taxe de vente aussi. Donc, c'est vraiment là que ça commence de manière aussi précise en temps de guerre au Canada. Absolument. Et on n'est pas un cas unique en Occident. Dans les pays industrialisés, c'est un cas de figure qui s'est reproduit à peu près partout. Donc, effectivement, le premier impôt sur le revenu levé par le gouvernement fédéral, c'est en 1917. Et c'est pour financer, c'est littéralement pour financer l'effort de guerre. On l'appelle l'impôt de la guerre, d'ailleurs. Ouais. Et on le prétend temporaire, n'est-ce pas? Malgré le fait qu'il ne le sera pas, évidemment, puisqu'on le connaît encore aujourd'hui. Et ça, c'est un autre classique. L'aspect temporaire qui se permanentise, ça va nous suivre durant toute l'histoire de l'impôt. Ben, à tout le moins au 20e siècle. Ouais. Le 20e siècle, c'est vraiment caractérisé par ça. Bon, à la décharge des gouvernements de l'époque, il faut dire qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, d'abord, les gouvernements, y compris le gouvernement canadien, sont davantage endettés qu'ils ne le croyaient. Donc, l'effort de guerre a coûté très, très cher pour tous les belligérants. Deuxièmement, mais rapidement, après la guerre et après la période des années folles, bon, on rentrera en grande dépression à la fin des années 20, n'est-ce pas? Ce qui va coûter une fortune aux États. Pourquoi? Parce qu'on va mettre en place tranquillement, on n'a qu'à penser au New Deal aux États-Unis, on va mettre en place tranquillement ce qu'on appellera plus tard le filet social et ce qui deviendra l'État-providence. Arrive ensuite la Deuxième Guerre mondiale, rebelote. Exact. Donc, jusqu'aux années 50, en quelque sorte, on n'avait pas le choix de lever ces impôts. Et tout ça, dans ce cas-là, est assez légitimement perçu, en fait. Cet effort de guerre est accepté. Ce ne sera pas toujours le cas dans l'histoire. Il y a des exemples intéressants. Je pense à la Révolution américaine. C'est une histoire d'impôt, finalement, qui va provoquer la Révolution. Tout à fait. La Révolution américaine de la fin du 18e siècle, on le sait, c'est essentiellement une révolte contre le pouvoir de taxation imposé par Londres à ses colonies. Hein? Rappelons-nous le célèbre Boston Tea Party, qui a été l'élément déclencheur. Pas le seul, bien sûr. Il y avait un contexte historique, un substrat historique qui permettait l'émergence de la Révolution américaine. Mais un des événements déclencheurs, symbolique à tout le moins, ce fut cette imposition de taxes de la part du gouvernement central. Sur l'importation de certains produits, le verre, le plomb, le papier peint et le thé, notamment. Et c'est la goutte qui a fait déborder le vase à Boston et qui a déclenché, bien sûr, par la suite, la Révolution de 1776. La Révolution industrielle, Yannick Marcil, ça se transforme en quelque sorte en révolution de l'impôt. D'abord, l'impôt devient public. On ne profite plus qu'à un monarque. Là. C'est un petit peu la naissance de cette idée d'impôt caisse commune. Tout à fait. En fait, il y a plusieurs phénomènes conjoints avec l'arrivée de la révolution industrielle, donc pendant tout le 19e siècle. Il y a d'abord la révolution industrielle elle-même qui fait naître deux nouvelles classes, ou fait émerger de façon importante deux nouvelles classes, c'est-à-dire la bourgeoisie, qui sont des rentiers de leur capital, donc du capital qu'ils doivent mettre à profit, faire fructifier leurs usines, etc., et la classe ouvrière, le salariat. Donc, c'est la première fois dans l'histoire, ou presque, où on a l'émergence du salariat. Mm-hmm. Dans les deux cas, deux sources de revenus que l'État, comme vous venez de le dire, qui maintenant est davantage autonome, davantage public, on ne parle plus de monarchie dans la plupart des pays industriels, ou à tout le moins, ce sont des monarchies constitutionnelles. On est loin du monarque absolu. Ouais. Donc, ce n'est plus son domaine privé tant que ça l'était autrefois. Donc, ces trois phénomènes conjoints, la naissance de la classe capitaliste, de la classe ouvrière et l'autonomisation, la modernisation de l'État, font en sorte que la table est mise à la fin du 19e siècle pour lever des impôts à la fois sur le revenu et des taxes à la consommation. Et fin du 19e siècle, 1867, la Confédération canadienne, c'est le début officiel de l'impôt chez nous avec, je ne savais pas ça, un fait d'armes. Auditeurs, auditrices, réjouissez-vous. Nous sommes le premier pays au monde à se doter d'un ministère du revenu en bonne et due forme. Tout à fait. Et qui s'appelle le ministère du revenu comme tel. Et effectivement, la création de la Confédération, donc en 1867, avec l'avènement de la Confédération, apparaît la modernisation ou le début de la modernisation de l'État canadien. Ben, c'est son autonomie aussi, bien évidemment, en grande partie. Mais surtout, le partage des pouvoirs, comme on le sait, entre les provinces et le fédéral. Les provinces conservent le droit de taxation directe, donc en clair, l'impôt sur le revenu, qui est évidemment l'impôt le moins populaire. Donc, les provinces ne l'utiliseront pas pendant, ou très peu pendant longtemps, alors que le fédéral se réserve le gros morceau de l'impôt à l'époque, ou des taxations à l'époque, c'est-à-dire l'impôt essentiellement sur les douanes, qui lui permet d'abord d'avoir une stratégie protectionniste pour développer les industries intérieures au Canada, essentiellement basées sur les ressources naturelles qui seront exportées, et bien sûr de lever des impôts importants. Oui. Parler des provinces qui se garderont une petite gêne, le Québec, en 1954, qui va décider, lui, de se donner un impôt provincial, de percevoir lui-même son impôt. Qu'est-ce qui pousse Duplessis, Yannick Marcille, à créer cet impôt provincial? Bon, il y a son désir autonomiste, hein, faut pas se le cacher, mais au-delà de l'aspect particulier à Duplessis ou au Québec, c'est la construction de l'État-providence partout en Occident après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'impôt sur le revenu et les taxes sur les biens et services, sur la consommation, se généralisera à peu près dans tous les pays industrialisés pour construire cet État-providence dont on avait vu les germes pendant la Grande Dépression des années 30. Pourquoi on construit cet État-providence? Bon, c'est difficile à résumer en quelques mots, bien évidemment, mais c'est essentiellement, ou en grande partie, à cause de pressions sociales. C'est la société civile, dans le fond, qui fait des pressions. Ce sont les mouvements syndicaux, d'abord et avant tout. Ce sont aussi les mouvements féministes, par exemple. Mais aussi la peur de la part des classes politiques de l'attrait que pourrait avoir le communisme face aux syndicats, aux ouvriers, aux classes populaires, et donc de pouvoir leur offrir des services publics, un filet social qui les protège en cas de difficulté, en cas de chômage, etc. Donc, c'est un mélange de pression sociale et de désir politique de ne pas céder aux sirènes du collectivisme, en quelque sorte. Mais le résultat, évidemment, c'est qu'il y a plus de services, mais il faut récolter de plus en plus d'impôts pour financer cet État-providence avec un grand débat. Comment s'assurer que cet impôt soit équitable? Là-dessus, on écoute le syndicaliste Jean-Philippe, qui est à l'époque directeur de l'Union des ouvriers du textile en 1960. Mais si personne n'aime à payer des taxes, chacun devrait souffrir dans la même proportion si les impôts étaient équitablement répartis. Mais une des protestations souvent faites par le mouvement ouvrier est que le système actuel de taxation frappe plus particulièrement les petits revenus et que l'imposition n'est pas justement proportionnée. Il y a bon nombre de Canadiens qui ne gagnent pas suffisamment d'argent pour être sujet à la loi de l'impôt sur le revenu. Mais il n'échappe pas pour autant à la taxation indirecte qui contribue à diminuer le niveau de vie des citoyens à petits revenus. Dans cette catégorie des taxes cachées, on a les diverses taxes d'assises, dont la principale est la taxe de vente fédérale que nous avons mentionnée tout à l'heure. La taxe de vente fédérale atteint tout particulièrement les petits revenus. De toutes les taxes d'assises, c'est certainement celle qui les touche le plus, puisqu'elle s'applique aux vêtements, à la chaussure, à l'achat des meubles, des poêles, des frigidaires, etc. Une formule doit être trouvée, disait le mémoire présenté par l'une des centrales syndicales au gouvernement fédéral, qui permettra que les taxes soient justement réparties parmi les citoyens au prorata de leurs ressources financières réelles. Et le même mémoire demande que des plans, comme le plan de sécurité de la vieillesse, soient subventionnés non pas par des taxes prélevées directement sur le revenu des citoyens, mais par des taxes prélevées sur les profits des corporations. Alors, comment va évoluer cette répartition, cet équilibre, Yannick Marcel, entre l'impôt des particuliers, l'impôt des sociétés, l'impôt sur le revenu, les taxes à la consommation? En fait, à partir des années 50 jusqu'à la fin des années 80, l'impôt sert bien sûr à financer les services publics, comme on l'a mentionné, mais aussi à comme outil de répartition de la richesse, n'est-ce pas? Donc, redistribution et d'équité, voire d'un objectif d'égalité relative. Ce qui fait en sorte que dans cette période de l'après-guerre jusqu'aux années 80, grosso modo, on taxera davantage, oui, on imposera davantage les sociétés, les entreprises privées, les hauts revenus, et on répartira l'impact des diverses taxes indirectes. On entendait, là, il y a 55 ans, ce syndicaliste parler des taxes indirectes qui faisaient mal aux plus pauvres, mais on renverra un crédit d'impôt, par exemple, aux ménages les moins bien nantis pour atténuer l'effet de ces taxes-là. Donc, il y a un double mouvement pendant 30-40 ans de financement de l'État-providence et de répartition, de redistribution de richesses. À partir des années 80, avec l'ère Thatcher en Grande-Bretagne et l'ère Reagan aux États-Unis, et c'est vrai aussi au Canada, sous Mulroney par la suite, l'impôt sur les sociétés sera considérablement réduit. L'impôt sur les revenus sera aussi beaucoup moins important pour les plus riches et on recourra davantage aux taxes indirectes et à la tarification. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive, qui est nouveau ou qui est un retour de l'histoire, c'est-à-dire que les citoyens sont vus comme des utilisateurs payeurs et comme des payeurs de taxes, mais davantage indirectes. Donc on a un basculement, on a un retour, si on veut, au passé. L'impôt aujourd'hui, en terminant, Yannick Marcel, on en est où avec ce fameux impôt? Mais c'est l'histoire se répète un peu quand on entendait ce syndicaliste dans les années 60 nous parler de l'impôt sur les plus riches. Donc les débats depuis la crise de 2008 visent beaucoup, comme on sait, le fameux 1%, les banques qui payent pas assez d'impôts, les grandes sociétés qui payent pas assez d'impôts. Donc les débats reviennent avec la stagnation économique qu'on connaît, des débats qu'on avait dans l'immédiat après-guerre. Yannick Marcel, il faut s'arrêter là-dessus. Économiste, fin pédagogue. Merci beaucoup, Yannick. Merci à vous. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, à la recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Alexandre Bédard. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.